De retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1. Bien des gens qui nous entourent ont recours à l'acupuncture pour régler certains problèmes de santé. En général, c'est une pratique médicale assez bien vue de la population. Elle est considérée comme une médecine douce, mais sur quelle base scientifique repose-t-elle? Et quelle est son efficacité réelle? Alors, c'est une question à laquelle Marie-France Sottil va tenter de répondre. Bonjour Marie-France. Bonjour François. Alors Marie-France, quand on parle d'acupuncture, on a tous en tête des images de personnes allongées, détendues, qui se font enfoncer des aiguilles à différents endroits du corps. Alors Marie-France, l'acupuncture, qu'est-ce que c'est réellement? Bon, pour ceux qui n'ont jamais eu de traitement de ce genre-là, l'acupuncture repose sur la croyance que la maladie résulte d'un déséquilibre des forces vitales du corps. Le rétablissement passe par l'insertion dans l'épiderme de fines aiguilles, comme tu l'as dit, pendant un court moment, à des endroits précis qu'on appelle des méridiens. Ces points de stimulation sont choisis en fonction des symptômes, du pouls du patient, puis en fonction aussi de la saison et de la météo. Alors, contrairement à la médecine occidentale qui soigne les maladies de manière spécifique, l'acupuncture, elle, s'occupe de rétablir l'ensemble des forces vitales du corps. Donc, c'est quelque chose de plus holistique, disons. Alors, je note ici que tu as dit que l'acupuncture repose sur une croyance et non sur des connaissances scientifiques. Mais on va revenir là-dessus un peu plus tard. Et d'où est-ce que ça vient, ça, l'acupuncture? D'où est-ce que ça origine? Bon, alors, au plus loin qu'on puisse reculer, l'acupuncture date d'environ 5000 ans. On se dit bien qu'à cette époque-là, les connaissances de l'anatomie, de la physiologie ou des pathologies humaines n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. On considérait alors le corps comme un genre de réseau de canaux dans lesquels circulait la fameuse force vitale, là, ou énergie. Puis cette circulation passait par le circuit sanguin qu'on avait évalué à 12 canaux. Les maladies étaient associées à des démons qui bloquaient l'énergie dans ces canaux. Et puis, pour prévenir les maladies ou pour les soigner, on faisait des saignées. On exhortait les démons de sortir du corps. Au début, les saignées étaient pratiquées avec des instruments rudimentaires comme faits en pierre, en os ou en terre cuite. Mais évidemment, on devine que ça faisait des saccages sur la peau, des gros trous. Alors aujourd'hui, on utilise des instruments plus fins là, et puis ça laisse moins de traces. Ou des petits trous. C'est ça. Alors l'énergie ou la force vitale était reliée à l'époque à une vision cosmologique du monde. Par exemple, le nombre de méridiens était associé au nombre de jours dans l'année. Ah bon, OK. Au fil des siècles, l'influence du cosmos a été un peu écartée. Puis le système sanguin a été dissocié des méridiens. Donc, fini les saignées, là. Les démons ont aussi cédé leur place au yin et au yang. Puis aujourd'hui, il y a plusieurs écoles de pensée en acupuncture qui sont associées à différents textes anciens, c'est-à-dire le nombre de méridiens change selon combien on recule pour se référer à la fameuse médecine traditionnelle. Et est-ce que l'acupuncture est toujours aussi populaire en Chine malgré l'apparition de la médecine moderne dans ce pays-là aussi? Oui, effectivement, la médecine occidentale domine en Chine, mais il y a eu des soubresauts, c'est-à-dire qu'au début du 20e siècle, l'acupuncture était considérée comme une superstition. Elle avait presque disparu. Puis Mao Tse-tung l'a réhabilitée en l'absence de médecins dans les campagnes. Puis il s'était rendu compte que la situation était désastreuse au niveau sanitaire aussi en région. Alors il s'est dit il faut minimalement avoir des traitements médicaux. Là. C'est une bonne stratégie politique, là. Effectivement. Et puis il avait placé, disons, ses soldats dans les régions pour surveiller que tout ça était mis en place avec la bonne formule. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, les Chinois se soignent comme nous, là, principalement. Mais dans les faits, est-ce que l'acupuncture guérit les maladies? Les adeptes disent qu'elle soigne les problèmes de digestion, de grossesse, les maux de dos, les maux de tête, l'acné, le psoriasis, l'eczéma, le zona. Elle pourrait même rétablir l'équilibre hormonal, renforcer le système immunitaire. Elle n'a pas la prétention de guérir le cancer quand même, mais elle préviendrait les effets secondaires reliés à la chimiothérapie. Puis certains patients auraient recours à l'acupuncture pour cesser de fumer. Bon, notez que j'ai utilisé le conditionnel là, partout dans mes phrases. C'est ça, parce que c'est ce qu'elle prétend ou c'est la science qui dit ça? C'est ce qu'elle prétend, parce que à ce jour, il n'y a aucune étude scientifique qui a vraiment confirmé l'efficacité de l'acupuncture. Et puis, on en a fait des études, plus que 3000. On sait aussi que les fameux méridiens ne correspondent à aucun réseau ou partie connue de l'anatomie, là, de la physiologie humaine. Et puis que l'acupuncture agit autant qu'un placebo. OK. Et pour le bénéfice de nos auditeurs, j'aimerais ça que tu nous rappelles ce qu'est un placebo. Oui, je fais une parenthèse, moi aussi, dans la parenthèse. Je vais en parler plus en profondeur, peut-être dans un mois, mais là, je fais un petit aparté au moins pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. D'accord. Alors, l'effet placebo, c'est l'amélioration de l'état de santé sans une intervention véritable ou l'ingestion d'une substance active. Donc, l'effet placebo peut être provoqué par une fausse pilule, un faux traitement ou une attitude rassurante de celui qui fait la pratique médicale ou une disposition positive du patient. Le cerveau, dans ce cas-là, est comme conditionné à guérir. C'est-à-dire qu'il dégage naturellement des opioïdes, c'est-à-dire... Ce qui est tant à la mode présentement. Là. Oui, c'est ça. Mais là, on parle d'opioïdes naturels qui sont dégagés par le cerveau lui-même. Et en bonne quantité aussi. On parle d'endorphine et puis de dopamine. Puis ces substances-là apaisent la douleur. Le bien-être temporaire procuré aide le corps à se guérir lui-même. Okay. Et puis l'effet est observé d'environ un tiers des cas, c'est-à-dire 30 à 35 % de la guérison spontanée se fait par l'effet placebo. C'est quand même pas négligeable. Hein? C'est énorme. Là. Uh-huh. Alors l'acupuncture favorise cet effet placebo. Est avéré utile contre les symptômes subjectifs de la douleur ou des maladies psychosomatiques, celles qui dépendent de l'état d'esprit, autrement c'est ça. Dit. Mais elle ne peut pas améliorer l'état de maladie grave, forcément. Là. On parle juste d'apaisement là, ici. Elle ne peut rien non plus contre la dépendance au tabac. Désolée pour ceux qui avaient compté là-dessus. Mais comment est-ce qu'on a prouvé que l'acupuncture ne guérit rien, finalement? Bon, là, on parle finalement de méthodes scientifiques. Oui. Alors, celles qu'on applique, c'est ce qu'on appelle les tests à l'aveugle. On prend un groupe qui est traité, puis un groupe qui est faussement traité. Le deuxième groupe s'appelle le groupe contrôle. Aucun des patients ne sait à quel groupe il appartient pour ne pas biaiser le résultat. OK. Dans un cas, on plante, par exemple, dans le cas de l'acupuncture, des vraies aiguilles sur les méridiens appropriés. Puis, dans l'autre cas, le groupe contrôle, c'est des fausses aiguilles qui ne rentrent pas vraiment dans la peau et qui sont placées n'importe où. Okay. Donc, qui, en principe, ne devraient pas faire d'effet. Effectivement. Puis, comme on obtient le même taux de guérison dans les deux groupes, on dit que l'effet placebo a agi et puis que le traitement qu'on croyait véritable est inopérant. Puis de nos jours, tous les médicaments, tous les traitements, même les chirurgies sont vérifiés en considérant l'effet placebo. Parce qu'il peut y avoir des fausses chirurgies. On fait juste une petite incision en surface, puis on recoule le tout, c'est tout. On fait croire au patient qu'il a été modifié de l'intérieur, mais il finit par, à 30 % des cas, se penser guéri, et il guérit. Okay. Et l'objectif de tout ça, dans le fond, c'est de prouver que soit que le médicament ou l'opération est vraiment efficace. Là. Effectivement. Puis on va plus loin dans la plupart des médicaments ou des traitements. C'est-à-dire qu'on on applique un test à double aveugle. Même l'expérimentateur ne sait pas quel traitement il applique au patient. Donc, il ne peut pas le communiquer d'une façon ou d'une autre. Il ne peut pas biaiser lui non plus l'expérience. L'expérience, voilà. Mais on comprend que dans le cas de l'acupuncture, le double aveugle, ce n'est pas possible, puisque ça prend d'abord un acupuncteur pour planter les aiguilles au bon endroit, pour faire le soi-disant vrai traitement. Et puis, il faut qu'il sache aussi s'il plante l'aiguille ou pas. Là, et apparemment, il ressent quelque chose, l'acupuncteur, au moment où il met l'aiguille au bon Sûrement, endroit. Sûrement, j'imagine. Et pourtant, Marie-France, on dit que l'acupuncture fonctionne sur les animaux et sur les bébés. Or, ces patients-là ne peuvent pas être conditionnés positivement ou encore sujets à l'effet placebo, non? C'est une bonne question. Pour les animaux, on sait qu'il y a peut-être d'autres effets qui agissent, c'est-à-dire qu'ils peuvent être contraints ou stressés quand ils rentrent dans le bureau de consultation. C'est un fait. Puis leur cerveau sécrète à ce moment-là une forme d'anesthésie naturelle due à la peur, okay. Un peu voisin à l'adrénaline. Okay. Puis l'effet sur les animaux ou les bébés peut aussi être attribué à ce qu'on appelle le phénomène de stimulation révulsive. Pardon. Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est, oui? Bien, c'est aussi une forme d'analgésie produite par le cerveau. OK. Quand on stimule un nerf, dans le cas de l'acupuncture, c'est en faisant des piqûres, on inhibe en tout ou en partie la transmission des signaux douleur qui pourraient venir d'ailleurs sur le corps. Autrement dit, on ne peut pas avoir mal à plusieurs endroits en même temps. Okay. Le cerveau, il enregistre un endroit à la fois. Okay. Puis finalement, on peut aussi expliquer les guérisons de l'acupuncture sur les bébés ou les animaux par le fait que la plupart des maladies s'estompent d'elles-mêmes. Elles ne durent pas. Comme le rhume, qui prend une semaine à guérir quand on le traite, puis 7 jours quand on fait rien. C'est ça. J'adore ça. Mais en somme, comme tu le disais au début, l'acupuncture repose simplement sur une croyance. C'est difficile hein, de dire ça, mais on doit l'admettre. Parce que c'est dans la nature humaine d'aimer croire. Il faut tabler là-dessus. C'est aussi dans la nature humaine de prendre ses désirs pour réalité, de chercher des réponses positives quand on s'attend à une amélioration. Mais on entend souvent que dire que des millions de Chinois utilisent l'acupuncture depuis des millénaires et qu'ils peuvent pas avoir tout tort. Alors, il me semble que ça, c'est une preuve que ça marche, ça. Est-ce que c'est un bon argument, ça, Marie-France? Bien... Je suis désolée de vous décevoir. Les Chinois ont souffert tout autant que les autres peuples de toutes sortes de maladies. Ils ne sont pas en meilleure santé. Et puis, j'ajoute qu'une vieille croyance, même partagée par beaucoup de monde, ça reste une croyance. Ouais, hein. C'est pas parce que tout le monde croit en Dieu que Dieu existe. Exactement. Uh-huh. Et si l'acupuncture ne guérit pas, au moins, elle fait pas de mal, quoi. La plupart du temps, c'est effectivement inoffensif, mais on peut tomber sur un mauvais acupuncteur qui provoque soit un hématome, là, c'est bénin bien sûr, mais ça peut aller jusqu'à une infection, des convulsions ou même perforer un organe. Là. Ça, c'est vraiment un incompétent. Mais je mets en garde les gens, là, sans rejeter l'acupuncture complètement, là, comme toutes les médecines douces, c'est pas toujours réglementé, c'est pas contrôlé. Mm-hmm. Alors, ça devrait pas être utilisé à la place de la médecine moderne. En complément, peut-être. Probablement mm-hmm. que ce serait la meilleure des solutions parce que on reconnaît quand même que de se plaindre de ses bobos à quelqu'un qui est réconfortant, bienveillant, qui promet de vous soulager, ben ça peut faire beaucoup de bien. C'est un fait. Hein. Effectivement, l'acupuncture, ben, c'est comme croire en Dieu. C'est une question de foi et non de science. Puis, merci. Puis le bon Dieu, il fait beaucoup de bien des fois. Oui, c'est vrai, il faut l'admettre. Merci beaucoup, Marie-France. Il n'y a pas de quoi. Alors, nous allons faire une courte pause musicale, après quoi nous vous reviendrons avec Mélanie Jean qui nous parlera de fraude scientifique au Canada. Vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL au 89.1.